Radio Adventiste Béthanie Pétionville vous présente une prédication enregistrée en public. Nous espérons que votre âme sera bénie par les paroles du Saint-Esprit. Sujet A, nous parlerons des écluses des cieux. Écluses des cieux. Les écluses des cieux. En nous parlant un petit peu de Jacob, car Jacob avait vu les écluses des cieux. Jacob, c'était un homme qui était très bête d'âme. Très, très bête d'âme. Mais un jour dans la ville, il était rattrapé par son passé. Il tellement fait bête d'âme, tellement bâillé mon mato, tout le monde mal vague. Et un jour, Jacob sentit le poucol. Il se sentait indigent, terriblement seul. Ça fait le poucol, il bluffait tout le monde, il remet cob, il remet privilège, il remet bien. Il n'y a pas qu'à attendre mon Dieu. C'est coup de balle à bail. C'est mettre dame la fait. Il fait mettre dame sous frère Esaü. Au lieu de faire Esaü cadeau à cette manger, il fait deal avec, il négocie droit d'aînesse. Pour un plat de manger, il négocie avec grand frère, son jumeau. Il baille maman le menti. Enfin, il baille papa le menti. Maman l'aide le baille menti. Il met tête à maman, il baille papa le menti. Parce que papa était aveugle. Papa le patroué. Il dit Isaac. Bénim, Isaac pensait, c'est grand frère, Esaü l'a béni, Jacob déguisé en grand frère, là il prend une grosse bénédiction, non mais papa sous nom Esaü. Donc son maître d'âme, il est tellement bâillé tout le monde mato, il est tellement bâillé mon cou, il est tellement bluffé tout le monde, finalement, grand frère Esaü dit, ou même Jacob, m'a tué quand même. Esaü juré, quant à Jacob, nek sa trois mafial, trois maîtres d'âme, Esaü dit l'a tué monsieur quand même. Le Jacob sentit que parole Esaü dit ya, li pap bay menti, li ka fè le vrai. Jacob mande pied, ça me démange mbaba ou. Jacob sauvé. Jacob sauvé. Jacob quitte kay maman, li quitte kay papa, li quitte pays parce que le pa vle grand frère Esaü tuil. Et c'est ainsi qu'il s'est trouvé seul, sans maman, sans papa, loin de frère, loin de famille, Jacob Boukol. Et le texte sacré nous dit que Jacob constatait que mesdames pas bay résultat. Jacob constatait que résultat mesdames en tout cas c'est échec. Ses plans sordides n'ont pas apporté le bonheur. Il est seul, malheureux. Livré à lui-même. Le texte nous dit que Jacob se trouve seul dans un désert. Et les gros oriers en bas tête, qui sont roches, roches en bas tête, bâton pèlerin l'emmène, Jacob a fonti reposer et sentit le pou contre lui, parce que frère Esaü dit l'a touillé quand même. Pendant que monsieur fonti reposer, Jacob a réfléchi sur le passé, sur le dégât fait, mauvaise décision, mauvais choix. Sous mesdames yo, tout le monde li bay mato, papal, grand frère. Jacob dit waouh, gèlèm pa janm ka tourner la caille encore nan état mié là, nan niveau m'rivé là. Gèlèm pa janm ka tourner la caille encore, gèlèm même bon Dieu fâché avec moi. Pendant Jacob a réfléchi comme ça et puis il fait un rêve. Ça loin dans rêve là, ciel là l'ouvrit et puis il voit on échelle. Qui saute dans le ciel, qui rive jouk sous la terre. Ange bon Dieu a monté descendre dans l'échelle là. Un bel rêve. Il a monté descendre dans l'échelle là. Et puis, le monsieur fin fait rêve là, il tendait bon Dieu qui parle avec elle. Bon Dieu parle avec elle. Ça, bon Dieu dit, monsieur. Bon Dieu dit, Jacob, ou pas besoin de peine, non. Ma paix, béni. Même alliance côté que m'te fait avec papa ou, Abraham et Isaac m'a fait même alliance là avec couteau pas inquiéto m'a géré Jacob saisi li pensait même bon Dieu t'a pas l'abandonner dans état que le rivière mais le joint rêve ça bon Dieu dit m'pap abandonné ou. Le Jacob levé puisque bon Dieu fait le promesse le réveiller. Garde ça, dit bon Dieu. Dans Genèse 28, verset 22, il fait bon Dieu en promesse. Lis avec moi, tu parti ça. Lis avec moi, promesse que Jacob fait bon Dieu. Ça, dit bon Dieu, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Bon Dieu fait la promesse. Bon Dieu dit Jacob, m'a béni, m'a fait route avec vous, m'a bon grâce pendant le voyage là, et comme reconnaissance, en signe de reconnaissance, Jacob dit bon Dieu, eh bien, tant qu'on bénit, tant que ma bodim, tant que vous faites grâce, tant que ma pote dim pour vous, ma bodim, dans tout ça que vous, bon moi. Bon Dieu accepte promesse là. Bon Dieu d'accord avec ça, Jacob te dit là. Et dans toute la vie, Jacob, Jacob reconnaît que le te jeune en pile bénédiction, car Dieu a ouvert grandement pour Jacob les écluses des cieux. Après 20 ans de travail, le Jacob tourne la Kaili, il tourne on est qui riche, on est qui gagne pile bien, mais il était généreux tout, parce qu'il était venu comprendre l'argent, puis bien, bon Dieu aide le comprendre. Mais on était sous promesse Jacob te fait. Qui promesse il fait bon Dieu? Ça le dit bon Dieu? Ma bonne la dit non. Tout sorbant moins. La question que nous sommes capables de poser, question dim ça à Jacob de dire, comment le fait qu'on elle? Côté Jacob sorti avec parole la dim ça. Nous avons réponse pour vous dans Genèse 14, verset 18 et 20. Depuis yon bon, on met li avec. Il a dit ici, Melchisedec était sacrificateur du Dieu très haut. Et Abraham, lui donna la dîme de tout. Ça, Abraham, de qu'on fait? Il bay dîme. Qui mouni de qu'on bay dîme, non? Melchisedec. Dîme, non, c'est qui ça lié? C'est dixième partie dans revenu. C'est pas dans salaire ou non? C'est pas dans salaire, non? Dixième partie dans revenu. Revenu, c'est tout cob qui n'en met qui pour où? Même si c'est pas salaire lié. C'est pas salaire, non? C'est dixième partie non revenu. Il y a des gens qui prennent dit m'pap travail pas m'pap non et pas salaire. Yo pa bay dim nan salaire. Ou bay dim nan revenu. Tout cob qui nan men on, c'est pour ou lié. Tout cob qui nan men on, c'est pour ou lié. Même quand c'est pas un salaire que lié. Depuis c'est pour ou lié. Et ben dim nan c'est dixième partie nan revenu ça nan cob qui nan men on. Alors l'homme dit dim, dim nan signifie simplement un dixième. Qui ça dim signifie? Un dixième. Nan cob qui nan mon qui pour ou fait cob la fait 10 lots égal, 10 lots même hauteur, 10 lots même valeur. Youn nan loyo c'est dim. Dim signifie dixième. Retenez qu'on pas bay dim sous salaire. Ou pas bay dim sous salaire, ou bay dim sous revenu. Jacob dit bon Dieu, ma bodim nan tout sorban mwen. C'est pas salaire, mais nan tout ça qui pour ou, on dixième c'est pour bon Dieu. Côté Jacob te joindre avec question dim nan, eh bien grand-papa Abraham, grand-papa Jacob Abraham, li était habitué avec la pratique de la dim. Comme mwen nan texte nan, Abraham te remet dimni bay Melchisedec qui était sacrificateur du Dieu très haut. Zanmim frèm sèm, dans Lévitique 27 verset 30, bon Dieu dit exactement qui quantité dans revenu pour bali. Ouais, pas dou salaire toujours non, mwezou revenu. Bon Dieu dit exactement qui quantité dans revenu pour bali. Sous li avec moi ou après qui quantité. C'est Dieu qui parle. Que dit Dieu ici? Tout dîme de la terre appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Qui quantité bon Dieu mandé? Qui quantité le mandé? Dîme, c'est-à-dire en dixième. Les deux en dixième dans revenu, li consacré à l'Éternel. Mais en fait, si nous voulons logique, si nous voulons honnête, est-ce que c'est un dixième dans revenu seulement pour bon Dieu? Non, tout ça ne gagne qui est-ce qui met yo? Bible a dit dans Psaume 24, à l'Éternel, la terre est ce qu'elle, l'argent gagne dans même temps et l'argent bon Dieu lié. La Bible a dit l'or est à Dieu, l'argent est à Dieu. Souffle de vie ou gagne, qui est-ce qui baoule? Qui est-ce qui met lui? Et pour bon Dieu lié, moi avant qui existait, qui est-ce qui crée nous? Bon Dieu. Donc tout appartient à Dieu. Mais le pas du poté tout non, il dit ou poté en dixième. Poté en dixième dans revenu. Et ce dixième sera donc consacré à l'Éternel. Et là, on peut être dixième dans le bon Dieu. Qui ça a décidé de la faire avec lui? Bon Dieu, grand monde. Ça a voulu faire avec elle. Ma bon, deux textes très importants. Qui ça, bon Dieu, décidé lui-même que la fait avec dixième. Dans Nombre 18, 21 et 24. C'est Dieu qui parle. Les pour capables avec. Je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël. Pour le service qu'ils font, je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel. Et dans 1 Corinthiens 9, versets 13 et 14, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit ceci, « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel ?» De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Qui ça, bon Dieu, fait avec dîme? Ça le fait avec dîme, mais ça le fait avec. Dans l'Ancien Testament, bon Dieu déclarait que dîme, il a promis tout dîme, peuple là-bas, tribu, lévite. Tribu, ça t'a travaillé dans le temple chaque jour. Il n'y a pas de jardin, il n'y a pas de terre, il n'y a pas de bien. Bon Dieu prend tribu ça, il fait le travail dans le temple comme pasteur. Non, c'est testament. Comme prêtre, comme pasteur. Puisqu'il a travaillé dans le temple chaque jour, tout dîme, c'est pour yon teye, pour yon manger avec madame yon, avec petite yon. Apôtre Paul reprend le même principe là, dans 1 Corinthiens 9, verset 13, quand il dit, je dis encore, en dans le temple, tout pasteur, mon cap travaille dans la prédication de l'évangile, dîme, c'est pour yon lié, c'est pour yon remettre yon dîme comme salaire. C'est ça, Bible a dit, c'est ça, bon Dieu voulait qui pour fête le nous recueillir dîme avec offrande. Il y a des gens qui disent que le système dîme nous pas de pratiquer et dans la loi Moïse lié. Est-ce que dîme dans la loi Moïse? Gardez pour vous, dans Genèse 28, versets 20 et 22, est-ce que nous avons dit que dîme est dans la loi Moïse. Que dit le texte? Texte dit, Jacob fit un vœu en disant, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Qui est-ce qui a parlé là? Jacob. Jacob qui a parlé, Jacob t'es là, pas de gagner la loi de Moïse. Pour qu'on ait une loi cérémonielle, le Abraham, by Melchisedec Dimni, pour qu'on ait une loi cérémonielle. Donc, ni Jacob, ni Abraham, yo te kon bay on dixième nan revenu yo, bien avant, longtemps avant la loi de Moïse. Longtemps avant la loi de Moïse, petit bon Dieu, te gen tan bay dim nan revenu yo. Ainsi, mesdames, messieurs, amis dans le Seigneur, système dim nan li la avant le Sinaï. Li la avant la loi de Moïse. Donc, li pas fait partie de la loi cérémonielle. Li pas aboli à la croix tant que l'autre loi cérémonielle yo. Parce que li la avant la loi cérémonielle. Donc, je dis, ou capable toujours, pour te dîmes à offrir nous, pour te dîmes ou l'église, pour le saint ministère. Faut toujours, bah, mon Dieu, dîmes ou je dis encore, pour l'évangile capable prêcher tout côté sous la terre. Il y a l'autre monde qui dit, Jésus condamné, question dîmes, non. Jésus pas d'accord, il n'est pas dansé collé à question dîmes, non. Mais c'est pas vrai. Bible a pas dit ça. Non, Bible pas, non. Dans saint Matthieu, chapitre 23, verset 23, regarde comment Jésus parlait. Ou bral dim lo fin lil, est-ce qu'il pas d'accord avec dim nan? Que dit Jésus ici? Lisons ensemble. M'ta remet tout le monde li avec moi. Ça le dit là. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nerf et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Li reste avec moi, li reste. C'est on va faire tourner pour, on va faire tourner pour. Li reste avec moi, li important, li reste. Que dit le reste? C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. Qui ça peut pratiquer ya? Ça peut pratiquer ya? il faut pratiquer la justice, la miséricorde, la fidélité, mais sans négliger quelle autre chose? La dîme. Est-ce que Jésus compte la dîme? Non. Non, pas contre lui, non. Mais il dit, monsieur, yo, jeune fidèle pour nous bailler dîme, non. Faut une fidèle tout, non. Miséricorde, non. Fidélité, non. Justice, faut dîme, non. Marcher ensemble avec yo. Ainsi, Jésus n'est pas opposé à la dîme. Il n'est pas condamné moun ka bailler dîme. Mais au contraire, il dit, monsieur, yo, pigayo négligé les autres grands principes du christianisme, la justice, la miséricorde, faut yo pratiquer yo sans négliger les autres choses. Ainsi, mesdames, messieurs, Jésus n'a aucun problème quand nous apportons la dîme à l'église pour permettre à ce que l'évangile soit capable de prêcher dans le monde entier. Même qu'on bonne nouvelle pour Oronia, m'bonne bonne nouvelle pour aux amis, le bon Dieu nous porte dîme dans vinir et pas prendre la prendre en main. Mais c'est barou le besoin barou. Amen. Amen. Le bon Dieu, tu peux te dire non venir et pas prendre le besoin prend et pas appauvrir le besoin appauvrir. Mais c'est bénir le besoin bénir. Regardez avec moi. Gon promesse là. C'est époustouflant. C'est extraordinaire. C'est renversant cette promesse. Je ne peux pas comprendre comment mon Dieu fait généreux comme ça. Regardez avec moi. Malachi 3, verset 10. Mon défi, bon Dieu, baille. Si Dieu bon lit pour moi. Faut lire lui. Faut lire. Tout le monde lit pour moi. Que dit Dieu ici? Apporte. À la maison du trésor, toutes les dîmes, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Quoi, amen, la sœur, frère bien-aimé. Ça, bon Dieu dit là, ça, bon Dieu dit là, les bons défis, qui défient le bail, pour dîmes, non, pour ouais. L'or poté, ça l'a fait pour vous. La bénou. Gon parti dans le texte, qui est matière attention sur lui. C'est quand elle dit, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. La bénou en abondance. Zamim, ça y aurait les écluses des cieux. Est-ce qu'on s'allie? Gen moun ki dou se pot ciel, gen moun ki dou se fenèt. Nan langage technique hébreu, zamim, écluse pour pot, li pour fenèt. Non, et tant qu'on boulevard écluse en yéri. Son boulevard est pour celle porte, non? Le Seigneur l'a pourvu, ciel l'a pour son boulevard pour l'a béni, son bénédiction à gogo qui a tombé sous. Si l'ouvrons fenêtre, bénédiction a limité. Si l'ouvrons porte, ou pas gassé. Mais son boulevard l'ouvre. Et pas si boulevard en Haïti, non? Gros boulevard à l'étranger. Li l'ouvrons boulevard dans le ciel là pour grâce tomber sous. Au nom de Jésus, amen. L'on bay dim nan, ou gen grâce tout de gens, ou gen santé, figou pi belle, ou gen kop nan pochou. Seigneur, retire gout nan boussou. Li met dollars, li met euros. L'on mange ou pas gonflé, vent tout plein. L'on met permanente, botet ou pas rabonné. Seigneur, béni cheveux ya. Parce qu'on peut te dim nan vini, amen. Ou béni, amen. Amen. Son boulevard grâce que l'ouvre pour vous. Li bon défi. Li bon défi à soya. Et puis, Seigneur Zio, sous douter. Son défi, le bah, oui. Sous douter. Sous penser, parce qu'on peut dire l'église, ou va le vivre plus pauvre. Gen moun qui pense, parce que le bah, dire l'église, il va le vivre plus pauvre. Gen moun qui a dit moi-même, m'da vine pour dire, bah, pasteur manger, a fait pasteur. Et pas pour pasteur pour dire non fini, non? Il y a des gens qui disent, même la banque pas besoin de cobre moun yo, la banque a besoin de cobre moun yo, a pourri la banque tellement qu'il y a des cobres. N'a pas dit, et pas pour la banque ou pour des cobres la vie, non? Seigneur, d'où sous ponceau à vin pipov, sous cobre à vin rase, pot dîme non vini pour ouais. Seigneur, zou testem. Seigneur, zou vini, vin bon défi, testem. De pour pot dîme non vini, c'est pour pire riche au nom de Jésus. Seigneur, dit ça. De pour pot dîme non vini, c'est pour pire riche à la gloire de Dieu. Amen. Raison que pour le fini au nom de Jésus. Ou pas t'arrêter ça? Quel monde qui t'arrête ça pour raison fini? Ou pas jamais raser? Pour pas jamais gagner au nom de Jésus? Ouais, ou dit non, c'est de l'argent dans les rues. Bon Dieu, jete combattre, nous paie ramasser. C'est ça que dit non. Bon Dieu, jete combattre, elle dit, viens prendre cob, viens riche. Viens ma faire fort, bon, viens prendre cob. Mais nous paie ramasser cob là. De l'argent dans les rues. Et il n'y a personne pour les ramasser. Mais même membre d'église, il n'y a pas de prendre cob là, oui. Même l'église peut venir ramasser comme là. Il dit, mais c'est trop beau pour être vrai. Et pas vrai. Il dit, bon Dieu, je vais faire ça vrai. Eh bien, essayez. Ouais, ouais. Pas dim nan fini, c'est pour raison fini au nom de Jésus. Pas dim nan fini, enfant année a fini, c'est pour toute dette ou payer à la gloire de Dieu. Bon Dieu a fort riche, ou après si riche. Ou va t'a même millionnaire? Combien de monde a t'a même millionnaire? Levez-moi pour moi. Oh, après 5 monde qui t'a même millionnaire, 2 monde qui t'a. Oh, après 5 monde, bon Dieu qui a fort millionnaire au nom de Jésus, li capable. Mais elle dit, testez pour moi. Pour dire non vinil zo et pour après merveille la fête dans la vie ou pour non capable glorifier. Mesdames, messieurs, chers frères bien-aimés, le bon Dieu dit bah dit non dit qui va pour venir avec elle. Il dit qui va pour venir avec elle. Il y a des qui mettent dame avec bon Dieu, il y a des qui coquent avec bon Dieu. Les gars même dit moi m'a fait social avec elle. M'a fait social avec elle. M'a fait social. Si m'a passé dans la rue là, mon monde qui pas gain soulier, m'a bal dit non fait social. Alors des mettre dame monsieur. Mon mafia. Alors, attendez, est-ce que les gens font social avec ça pas pour vous? Est-ce que vous avez des gens avec ça pas pour vous? Parce que vous prenez l'argent pas. Si l'argent pas, vous prenez, ou allez des gens qui méritent ou bien là. Ou pas quelqu'un, mais l'argent pas, vous prenez, mon cher. Ou pas faire social. L'homme se fait social. Ou faire la restaurité pour madame ou pour petit ou. Ça pas contre, ça a même suffi. Et là, dans le faire social, et laissez vous mérite. Mais soit pour un sac pas pour vous, on va venir vous faire social. Mais d'amour, mon cher, je ne suis pas arrivé ça. Bon Dieu dit, dis-moi, non, mes côtés pour venir avec elle. Et pendant l'arrière, on va faire social avec elle. Lisez avec moi dans Néhémie 13, verset 12. Que dit la Bible ici? Alors, tout Judas apporta dans les magasins la dîme du blé, du boue et de l'huile. La Bible a dit dans magasin la parole de maison du trésor. Là nous dit maison du trésor, nous qu'a dit là trésorerie de l'église. Magasin ou bien maison du trésor. Malachie 3 verset 1er et suivant parlait de ça. C'est dans la maison du trésor, dans magasin bon Dieu, dans la trésorerie pour dire non venir. Si on fait social avec la fête pour régler, et pour dire le Seigneur. Bible clé, faut cobre la venir, faut dire non rentrer dans la maison du trésor. Magasin, la maison du trésor, la trésorerie de l'église de Dieu. C'est là pour cobre dire non entrer pour capable faire service l'église, bon Dieu. Dans 1 Corinthiens 9, verset 26, la Bible nous dit ceci. Ils avaient encore la surveillance des chambres et des trésors de la maison de Dieu. Faut venir avec l'église là, à la trésorerie. Deux Chroniques 31, 11 et 12. Il est dit, Ézéchias donna l'ordre de préparer des chambres dans la maison de l'Éternel et on les prépara. On y apporta fidèlement les offrandes, la dîme et... Qui va te porter? Qui va te finir avec yo? Qui va te finir avec vous? Dans la chambre, dans la maison de l'Éternel. Magasin l'Éternel, la trésorerie. C'est pas même qui dit, c'est bon Dieu qui dit ça. Frère, monsieur, zanmi, kapten dem, ou pas gen droit prendre dîme nan pour faire social. Ou pas gen droit prendre dîme nan pour aller des moun qui malade. Dîme nan pas pour vous. Bible a dit li, consacré à l'Éternel. Puisque pour l'Éternel, c'est remettre bon Dieu à faire. Porter dans la maison du trésor, dans la trésorerie, et bon Dieu dit la bénou l'a fait ça. Est-ce que vous croyez bon Dieu qu'a bénou à soi sous fidèle? Est-ce que vous croyez la bénou sous fidèle? Ou mettez essayé ou après, si tu crois en cela, si vous pratiquez ça, ou à vivre heureux, parce que vous ne pouvez jamais manquer comme, ou pas jamais raser, bon Dieu va bénir au nom de Jésus. Donc la maison du trésor, c'est là pour venir avec dîme. Zamim, l'obay dîme, ça c'est une question technique. L'obay dîme, en fait, qui est-ce que c'est dîme? Est-ce que c'est pasteur qui dîme? Et c'est pour pasteur pour des dîmes. Qui est-ce qui est dîmes? La Bible répond dans Colossiens 3, verset 23. Est-ce qu'on peut lire ensemble ce que la Bible dit ici? Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Hébreux 7, verset 8. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui Jésus dont il est attesté qu'il est vivant. L'on a vu avec dîmes l'église, sans de mettre dans tête tout, sans de comprendre. C'est pour comprendre clair que dîmes ça, ou pas porter le bail les hommes, ou pas porter le bail pasteur. Qui m'a porté le bail? Qui m'a porté le bail? Ou a porté le bail? Bon Dieu. qui est-ce qui met dîme? Non. La dîme appartient à Dieu. Ou pas besoin d'inquiéter de qui ça va faire dîme? Non. Est-ce qu'on va mal dépenser? Est-ce qu'elle va gaspiller? Pas fait être souci pour bagaille comme ça, car la dîme appartient à Dieu. Bon Dieu grand monde. Li ka correspond à moun kap gaspiller dimni. Bon Dieu ka correspond à moun kap mal gérer dimni. Dossier ça pas pour rentrer la donne. Bon Dieu tu remettre les dîmes non avec cœur joie, de bon cœur remettre bon Dieu. Reste à sous compte l'Éternel des armées. Est-ce qu'on d'accord ça hein? Est-ce qu'on d'accord ça? Est-ce qu'on veut faire comme ça? Donc remettre bon Dieu dimni, quitter bon Dieu correspond à moun qui irresponsable de la gestion des dîmes. Mais ou même seul sorgue pour faire obéir papa bon Dieu. En plus de dîmes bon Dieu mandé pour le bénir, gon l'autre action encore, gon l'autre geste pour nous faire encore qui accompagner dîmes. Dans Psaume 96 verset 8, la Bible montrait qui ça doit accompagner dîmes. Dîmes pas de marcher pour col. Que dit la Bible ici? Apporter des offrandes et entrer dans ses parvis. Parvis, c'est la cour temple, la cour l'église là. Ou pas de jamais venir l'église sans pas porter une offrande pour l'Éternel. À moins qu'on pas gagne. À moins qu'on pas gagne. Des fois, pour entrer l'église là, faut marcher avec offrande. Dîme doit accompagner de offrande. Malachi 3 verset 8. Ça bon Dieu dit là. Ça bon Dieu dit là. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Qui bon Seigneur a dit nous tromper? Qui bon dit nous tromper? Dans les dîmes et. Dans les dîmes et. Si m'a dîmes seulement, m'baba offrande. Est-ce que me trompe bon Dieu? Yes, me trompe bon Dieu. Me trompe bon Dieu. Parce que bon Dieu parle de nous tromper. Elle dit, moi avant nous tromper dans les dîmes et les offrandes. Loi vine l'église là. Seigneur a voulu que dîmes n'en marché. Ensemble avec offrande li. On lit ça avec moi, même on lit pas ça avec moi. Le Seigneur nous demande de volontairement donner des offrandes comme une expression de notre amour pour lui et comme une action de grâce pour ses bénédictions. Ou bien offrande pour qui ça? Parce qu'on aimait bon Dieu. Est-ce qu'on aimait bon Dieu à soi-là? Est-ce qu'on a mon bon Dieu à soi-là? Ou bien offrande pour qui ça? Comme action de grâce. Bon Dieu béni, li paye l'école timoun, li baye manger chaque jour, ou pas jambal ka docteur, ou pas gen kobop de bosse dans la pharmacie, pour tout ça bon Dieu fait pour vous, ou pote offrande ni pour lui, pour dire merci pour tout bienfait que lui accorde. Qui va les kob pour baye dans offrande? Qui va les kob offrande nan ye? Si dîme nan c'est 1/10, Bible a pas dit combien kob offrande nan ye. Bible a dit plutôt qui jan pou bay offrande nan. Dans 2 Corinthiens 9 verset 7, li avèm sa Bible a dit là que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec. Qui j'en peux pas offrande non? Qui j'en peux pas offrande non? Sou on pral ba offrande on dit ouch mes amis, gap tout offrande ma pote la gen nan griffe yo l'église mes amis, ça m'pral pas si pou manger dans semaine non. Ken ba offrande ou manger, nous pas besoin offrande comme ça. Bon Dieu pas besoin. Sou on pral ba offrande on dit ouch mes amis, m'pral ba offrande oui. Faut mal refaire permanent mais fini. Bon m'm retire on ba non comme ba tout offrande ça. Permanent infini, depuis qu'on soit réfléchi, manger offrande nous pas bailler li. Parce que Bible a dit, loi by offrande, faut poser avec joie. Poté dimna offrande avec joie. Zamim, loi poté dimna offrande by bon Dieu a quel content. Bon Dieu prend reskirete ya, li multiplie le par 100 nan mèon. Amen. Si reskirete ya, oui, bon Dieu multiplie le par 100. Loi poté le vini avec joie. C'est ça me faut li nan Malachi. La ouvri pour les écluses des cieux. La prépend sous bénédiction en abondance. Sous oras, jodia, c'est 10 macrofrènes non pas bail. Sous or plein d'aide jodia, c'est 3 10 macrofrènes ou kembe. Ou pas de connaît, mande bon Dieu pardon, pas fait ça encore. Sou ou al nan mache ya, sou achete al pari ou esantanye, ou gen presyon se vole ou vole kobla dan moun nan mache ya, e paske ou pa bay di ma kofran. De pou e botet ou ap rabone, peman nan tap manje botet ou, e nan foche voye koun ya, se ke kob ki nan moun nan kob studio wa, ou pa bay di ma kofran la dan. Ou pren tout pou ou, se ni a di pa gen problem, ne kon so fel, ma souffle sou kobla. Al met peman nan, non, botet la rabone. Bon Dieu dit la bénou, mais contraire bénédiction c'est malédiction liée. Ou prend cop dit ma offrande non, ou elle fait jeune gens fort récent, faut habiller frais, et ben on dit met soulier dans pio, on dit sorti soulier déchiré dans pio. Parce que bagala pas béni, cop qui dans mon œil cop le Seigneur lié, ou trop cripia, ou trop ping, ou con cop drop. Oublier c'est bon Dieu qui bail cop. Oubliez ces bon Dieu qui prospérité, ou qu'on cop drop, ou qu'on be dim nan, ou qu'on be offre nan, ah ben, bon Dieu souffle sur ce cop là, ou va y sortir là avec. Ou toujours rasé, ou toujours gagné d'être. Bon, t'as des amis, dat quoi qu'on be dim à offrande, est-ce qu'on millionnaire? Garde sous canon, boy, combien cop gagne sous canon ya? Combien gagne? Hein? Ou pas béni, Seigneur Dieu, ouvre grâce, ouvre béni, avec cœur joie. Pote dîme à offrande dans la maison du trésor. Le Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Bon Dieu passe yon test. Qui test il te passe yon? L'idio en Genèse 3 verset 3, yon met manger tout ça qui est dans le jardin. Mais quand t'as fui arbre de la connaissance du bien et du mal, pas manger. Bon Dieu passe yon test ça pour Adam et Ève te reconnaître que c'est bon Dieu qui met. C'est bon Dieu qui chef, li passe yon test. Est-ce que vous avez réussi? Yo échoué test là. Jodi a, bon Dieu a passé moins avant on l'autre test. Test a rele la dîme. Li bon kob la oui, mais pour ka songe, c'est bon Dieu maître. Pour ka songe, c'est bon Dieu baye kob la. Sou gen kob, c'est grâce à bon Dieu. Li sou sou reconnaître bon Dieu comme propriétaire pour te di makro fran nan vini. Est-ce qu'on réussit test là jodi a? Ou bien est-ce qu'on échoué? Bon Dieu a passé au même test là encore. L'on pense que c'est au même qui met ou fait sauver l'argent ou pas jamais gen kob. Ou toujours rasé. Ou toujours mandé prêté. A fort toujours pas bon. Mais l'on reconnaître c'est bon Dieu qui met. L'on remettre bon Dieu avec joie. Dis ma offrande, la bénonce aux frères bien-aimés. La bon travail bien-aimé dans le Seigneur. La béni business, non? La foi prospérer à tous égards. Car bon Dieu, pas jamais bail menti. Ses promesses sont certaines et véritables. Au lors qu'il me dit ma offrande nous en mime, ou transgresse son commandement, oui. Lors qu'il me dit ma offrande nous péché, oui. Ou transgresse son commandement, oui. Qui commandement lié? Garde avec Exode 20, verset 15, elle dit là. Tu ne déroberas point. Ça dérobe à plaisir encore? Ou pas doué voler. Bon Dieu dit dim nan pour qui est dim nan yé? Pour qui est dim nan yé? Pour qui est dim nan yé? M'attendez, a pas nous on dit. Pour qui est dim nan yé? Bon, l'or prend sac pas pour qui s'en fait. La dit met à Dieu. L'or qui est belou volé. Bon Dieu garde, elle dit. Nous met dame, papa. Zamim, l'or retire dim nan son dixième partie ou retire. Combien partie ou rete? Combien parti ou rete l'on retire dim nan? Zanmim, entre un dixième nan et neuf dixième nan, qui est-ce qui pi plus? Donc, entre ou ak bon Dieu, qui est-ce qui jeune pi plus nan kob la? Mon pren pa bon Dieu quand même tout. Malgré gen pi plus ou gen neuf dixième, bon Dieu gen un dixième ou pren pa la quand même. Seigneur a dit, tu ne déroberas. Point. Malachi 3, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Ça, bon Dieu répond à soya. Dans les dîmes et les offrandes, n'a pas trompé bon Dieu. Bon Dieu dit que moun qui trompe volontairement, moun qui fait esprit qui québécois, dit ma offrande, non. Comment bon Dieu les moun sa yo? Comment le relé yo? Est-ce qu'on vole dans la salle là? Amen. Oh, ça va qu'amen, mes amis. Oh, amen, mes amis, pour voler. Pas gagné au nom de Jésus. C'est déjà un mauvais bagaille. Son mauvais bagaille, l'a volé moun molaka, l'a volé voisin, voisine. Son très mauvais bagaille lié, oui. Mais pour tomber dans volé, bon Dieu, bagaille ça grave, oui. Ça c'est la fin du monde, oui. Si vous tombez dans volé, bon Dieu, son bagaille qui grave. Nous devons apporter la dîme et les offrandes pour être capable de contribuer à la propagation de l'évangile auprès de ceux et de celles qui sont perdus. L'on prend comme dit ma offrande, non. Ou fait espoir qu'un bel. Est-ce qu'on béni? Est-ce qu'on béni? Ça qu'a privé l'on qu'un bel. Malachie 3, verset 9. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. 1 Corinthiens 6, verset 10. Ça, texte dit là. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs mériteront le royaume de Dieu. Mais Rosé, volant, pas bras dans le ciel. Bon, dis-le encore ça, mime. Volant, pas prendre le ciel. Manger l'argent, dis-moi, c'est volant. Manger l'argent, offrande, c'est volant. Volant, pas prendre le ciel. Zami, mon voix, c'est ben fini. Mets-toi à genoux, prier, bon Dieu. Dis, papa, moi, j'aime des volants, oui. Bon, mon petit chance. Ma première, tout lit par morceau. Tout ça, me dévole dans mes amen. Ok, n'est pas d'accord. Amen. Dis, bon Dieu, par morceau. Ma première, tout ça, me dévole. Bon, mon petit chance, fais-moi grâce. Parce que volant, pas pral, dans le ciel là. Frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, mais quelques principes, bon Dieu, vous qu'on aime à finir avec vous. Pas quitter l'argent, mettre aux amis. C'est vous-même qui mettez l'argent. L'argent, pas doué mettre tout. C'est vous pour diriger l'argent. Mon frère, au fin de travail, retirez le cop dit non. Pas quitter madame ou prendre le cop là. Pas quitter madame ou prendre. Alors, regardez, quand est madame, vous avez dit non, puis bien, oui. Pas quitter madame nan pour cop dim nan. Pas quitter l'argent met tout. Pas quitter l'argent diriger ou. Gardez quelques bons principes qui pour guider ou en matière de finance. Proverbe 3 verset 9. Notez texte ça yo. Roli ou la kayo. Ça le dit là. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Honore l'Éternel. Kobutou et pour Kobou c'est Kob bon Dieu lié. Faut généreux avec bon Dieu parce que le généreux est avec vous. Proverbe 11 verset 24 25. Qu'est-ce que nous lisons ici? Tel qui donne libéralement devient plus riche et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Dit amen. Papa Wemdo, plus ou Bali, plus ou Abgué au nom de Jésus. Seigneur, par contre, bah, tes amis, maillot bleu, Seigneur, Wemdo, assoya, plus ou Balcob, plus ou Abbéni au nom de Jésus. Bon Dieu, par contre, bah, menti. Est-ce qu'on d'accord ça, Asroya, hein? Est-ce qu'on d'accord ça, Asroya? Plus ou bah, bon Dieu, plus ou béni. Si tu crois en cela, tu vivras longtemps et tu seras heureux à la gloire de Dieu. Asroya, sou quoi, bon Dieu, pas qu'à bah, menti? Sou quoi, dîme, c'est pour bon Dieu? Mais vite, pour une décision, Asroya. Tout le monde là qui connaît, qui d'accord. Membre d'église, que vous visitez. Tout le monde qui d'accord. Que s'il vient cob, c'est grâce à bon Dieu. Tout le monde qui est d'accord, s'il bénit, c'est grâce à bon Dieu. Campé à soi, font-ils camper pour bon Dieu. Tout le monde qui est d'accord, pour le riche, et bon Dieu pour faire le riche. Tout le monde qui reconnaît, s'il partenaire bon Dieu, la priche quand même au nom de Jésus. Est-ce que d'accord? Ça dit amen, sous d'accord. Sous partenaire avec bon Dieu, ou à priche quand même au nom de Jésus. Sous d'accord ça. Mais vite, prends décision ça avec ma soeur. L'île non pour nous tendre. L'île ensemble. L'île pour Jésus. Prends pour Jésus. Ça le dit. Aujourd'hui, j'invite Dieu à être mon partenaire en lui rendant fidèlement mes dîmes et mes offrandes. Sous d'accord, dis amen. Sous d'accord, dis amen. Oh, bravo, sous d'accord. Mais enveloppe dîmes non. Mais enveloppe offrande non. Sous voulez partenaire avec bon Dieu. Mais dîmes non. Mais offrande non. S'ouvre partenaire avec bon Dieu. Frère Goussap campa avec devant chez. Vin prend Paul. On pas porter le baou non? Nous pas porter le baou. S'ouvre partenaire avec bon Dieu. Mais enveloppe pour sortir dans misère. Mais enveloppe pour sortir dans dette. Mais enveloppe pour sortir dans rasé. S'ouvre partenaire avec bon Dieu. Vin prend Paul la soya. Font acte de foi. Seigneur, vous mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez. Si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance, je ne vais pas porter le barou à soi. Si vous avez besoin de dette, ou besoin de raser fini, si vous voulez business en béni, pour l'école, si vous voulez payer, mais c'est créé. Viens prendre enveloppe d'immon, enveloppe offrande, prier bon Dieu, remettre bon Dieu régulièrement, deviens partenaire de Dieu et va bénir au nom de Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle. Oh, ne permet à personne. Oh, ne permet à personne. Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec. Je n'ai pas peur de te suivre. Je n'ai pas peur de te suivre. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, c'est oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Sans rien garder, je te livre tout avec. Tu connais mieux que moi-même. On dit ça ensemble. Tu connais. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon et pour mon bonheur suprême tu peux me rendre vain. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, c'est oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon... Prends mon corps et prends mon âme. On dit ça. Prends mon corps et prends mon âme. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit ta, que par ta divine flamme, que par ta divine flamme, tout ma soit détruite. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, c'est oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, c'est prends mon corps et prends mon âme. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon. Puisque enveloppe ou nan men, nous pral mettre debout, nous pral font prière spéciale. Nous pral font prière spéciale. Ou pral mettre bon Dieu à l'épreuve. Ou pral dit bon Dieu, mais enveloppe là nan même. Ma pote dit ma coffre nous ba ou. Aide me payer dette yo. Dis bon Dieu pendant pral prier ya. Mais toute dette yo nan men on. M'pote di ma coffre mwen ba ou. Aide me gérer dette yo. Campé pour faire vœu ça avec bon Dieu. Dis bon Dieu prend engagement pour fidèle nan di ma coffre. Business ça pas jamais ka marcher. Qui pas jamais qu'à prospérer. dis bon Dieu bon succès dans business ça. C'est pour dire bon Dieu même enveloppe dis ma offrande nous dans main. C'est pas pour date mari ou pas qu'à travail. C'est pas pour date madame ou pas qu'à travail. C'est pour dire bon Dieu t'es non petit job de révoquer ou. Ou font acte de foi. Ou prend dim ou enveloppe dis ma offrande non. Ou apotel by bon Dieu. C'est pour dire Seigneur dans mois février qu'a venir bon travail pour faire. Dis Seigneur, béni maman, béni papa, pour yon kop, pour yon payer l'école là pour vous. Dis Seigneur, pral fidèle avec elle, ou pral honnête avec elle, pour que dans situation financière koye, dans blocage koye, pour le retirer au nom de Jésus. Agis foi, fais vœu à bon Dieu, kembe enveloppe, ferme les yeux, baisse tête et prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous remercions infiniment de ce que Assoya ou montrer nous un secret par lequel ou ka retirer dans rase, ou ka retirer dans misère, dans pauvreté. Ou montrer nous un secret et c'est ou même qui dit nous mettre vini, mettons à l'épreuve et ou montrer nous qui merveille qu'on a fait dans la vie nous. Nous reconnaître que très souvent, nous infidèles dans Dimako Frandio. Nous reconnaître que très souvent, nous prêter comme Dimako Frandio, mais nous pas jamais remettre. Mais nous reconnaître tout que problème nous fait commencer. Dette nous pas jamais fini. Nous pas jamais qu'à fonti économie. Nous toujours nous demander prêter. Comme la pas jamais qu'à arriver dans 15 dans mois. Nous toujours dans difficulté financière grand pile dans nous gagne quelques jours n'a travail même pour que jamais ka fond économie grand pile dans nous gagne petit business li pour que jamais ka bay résultat nous reconnaître à soya que nous t'ai trompé au dans di maintenant offrande nous vinn di humblement gain pitié pour nous nous pas fermer dame avoir encore nous pas vouloir tromper encore. Mais nous voulons obéir humblement parce que nous connaissons tout le monde qui obéissant, tout le monde qui suit vous par la foi, ou toujours l'ouvrir porte pour vous, ou toujours répondre à cri, ou toujours bayo abondance. Passe dans cette salle ce soir, ton jardin, ton peuple te prie en ce moment. Tes enfants ont en main l'enveloppe. C'est avec enveloppe ça. Yo pral font expérience nouvelle avec vous. C'est avec enveloppe ça, yo pral wè que c'est le Dieu de la surabondance. Avec enveloppe ça, yo pral wè que ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplira. Et des petits garçons, petites filles qui a prié kounya pour yo fidèle, pour yo prendre au mot. Aidez nous chaque qui a prié kounya pour nous remettre fidèlement la dîme et les offrandes. Et nous sûr, avant année ça fini, gon bonne vie dette qui sous tête nous, nous sûr que tout a payé à la gloire de Dieu. Nous sûr que business que Satan bloqué a, parce que nous bral fidèle avec vous, c'est pour business en débloquer au nom de Jésus. Aidez pour nous honnête, aidez pour nous sincère, aidez pour nous sérieux avec vous, et nous sûr et certain que vous conduire vers le succès, vers la prospérité, vers l'abondance, et nous chanterons pour toi un cantique nouveau. Ouvre les écluses des cieux, bénis peuple Kounia, c'est pour qu'on rase à casser Assoya au nom de Jésus. Bénis peuple Assoya, c'est pour tout être payé quand c'est l'éternel qui est Dieu. Pour qui chôme, non, moi février, bah, au travail, parce que fidèle avec vous, et à moi, c'est l'éternel seul qui est Dieu. Nous prenons la route là pour nous la caille. Accompagnez-nous en chemin. Fais-nous arriver la caille en bien. Fais-nous passer une bonne nuit. Bénis-nous, bien bénis. Nous comptons sur vous. Parce que nous prions au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne maintenant et au siècle des siècles. Amen. Mais tu es content, wow, assois encore. Sois fidèle avec ton Dieu. Si tu crois, si tu es fidèle, tu vivras longtemps et heureux. Souviens en seule enveloppe ou pas de problème. Loi bay kobwa ekri nan ti papye sans goutte dîme, sans goutte d'offrande, mettez-le dans l'enveloppe là, pas de problème. Pas inquiétez-vous sur l'enveloppe. Allah kayouan bien, passez bonne nuit, que le Seigneur vous bénisse.